pour le son qui vient du plein dès qu'il se manifeste. Si tu peux, vas-y teste. Mais si tu peux pas, vas-y dégage et prends tes clics et tes claques et tu te casses. Yeah. On se revoit ma voix si bien si naïflo. Alors que toi t'as mes fans à notre niveau. Tu rappes que des beaux voir derrière le dos. Toi tu connais pas forcément alias et Sazino. Nous singazé na was, nous seye na was. Nous singazé na was, nous seye na was. Hasta la vista, je te dis bye bye. Ouchianzana, joue à la calcane. Joue à la calcane, joue à la calcane. Tu me testes, tu me testes, tu me testes, tu me testes, tu me testes, tu me testes, tu me testes, tu me testes, tu me testes, tu me testes, tu me testes, tu me testes, tu me testes, tu me testes, tu me testes, tu me testes. Samedi j'en calcale, n'a joué à la calcale. Ça c'est Richard. Saina alias Biling mshino pia bila kara kuhama. Rija rija risena mbiyo raha ya magia. Tuse de bada la pas fe plas. Tu musingu usimu alchita. Manaza makala chisita. Tuteo tuke valchfesa. Tuse de kungo jono dala kumu. Tali kwa valchfede ni tu. Tala vash, nisa nash. Ashtre vat su pizaj. Somo jar, man shi pre pour la batay. Avec des sons qui se mitraille. Ça c'est un nouveau style. Nouveau style, nouveau style. Mais ne pose pas, mais aime pas de me tester. Si tu ne veux pas rivaliser, mais aime pas de me tester. Si tu ne veux pas rivaliser, tu veux test, tu veux test, tu veux test, tu veux test, tu veux test, tu veux test, tu veux test, tu veux test. Now I see Carita the name and you yet the habit. Going in, you can't be some of the rule they had you. In a inside, in a alias, in a two-day, in a two-day.